Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. C'est votre réveil culturel jusqu'aux premières informations du jour avec au programme en première partie. Notre série consacrée à Arthur Miller en compagnie de Liliane Kerjean, dans un instant le cinquième et dernier épisode. Et puis en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois un trio de garçons. D'abord le duo Rupert et Mulot et avec Bastien Vivès pour la sortie d'Olympia, édité par Dupuis dans la collection Air Libre. Nous sommes le vendredi 13 novembre, mais pas de panique, on n'est pas superstitieux de bon matin et un autre jour est possible. Arthur Miller. I wrote Death of a Salesman at the beginning of the greatest boom, probably in world history. I knew the boom was going on, but I was not alone in thinking in 48 when I was writing it. The reality was depression. The reality was the whole thing coming down in a heap of wood and cinders. Arthur Miller, un Américain sur le qui-vive, une série par Liliane Kerjean, universitaire, spécialiste de littérature et de théâtre américain et présidente de l'Institut franco-américain de Rennes. C'est bon de le préciser, aujourd'hui, dernier épisode, un moderne devenu classique. Bonjour Liliane Kerjean. Bonjour. Alors, en ce moment même, les pièces d'Arthur Miller sont jouées, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Je donnerai juste un exemple. Jusqu'au 21 novembre se joue Vue du pont, mis en scène par Ivo van Hove. Alors c'est une pièce magnifique qui reprend les thèmes de Miller, par exemple la famille. Au départ, on est dans la maison d'un docker de Brooklyn, sur le Crochet Rouge. Et Eddie Carbone est donc d'origine italienne, sicilienne. Il a une femme et il a une nièce. Et sa nièce est en train de devenir une jolie jeune fille. Donc, au départ, il y a à la fois un homme de loi qui fait une sorte de voix off. Et puis, on est plongé dans la maison de Eddie, Béatrice et leur nièce Catherine. Et finalement, on est dans l'attente de cousins qui viennent de Sicile. Donc, il y a d'une part la famille, d'autre part la tentation de l'homme lorsqu'il voit une jolie femme, en l'occurrence sa nièce, le bon sens de l'épouse. Ça, ce sont des rôles presque archétypiques chez Arthur Miller. Et on attend deux clandestins. Les deux clandestins arrivent. Là encore, comme il y a toujours deux fils, là, il y a deux clandestins. L'un est marié, brun, il a une famille à charge qui est restée au pays. Et l'autre est blond, comme un Danois, dit-il. Et il sait faire des costumes, il sait chanter et il sait faire la cuisine. Ce qui paraît très suspect au docker qui est assez machiste et assez sur les positions dites viriles. Donc on héberge ces jeunes gens. Et puis la petite nièce va trouver un emploi et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'elle va sortir de la maison et s'émanciper, son oncle la bride en disant « c'est pas un bon quartier, c'est pas un bon job pour toi, poursuis tes études » et ainsi de suite. Mais le malheur arrive lorsque l'amour arrive, c'est-à-dire qu'elle va s'éprendre de Rodolfo, le blond danois. Et ça n'échappe pas évidemment à Eddie qui en conçoit un dépit extraordinaire et qui va tout faire pour que le mariage n'ait pas lieu. Il lui dit même, ce garçon, au fond, tout ce qu'il veut, c'est une carte de séjour. Il l'aura s'il épouse une Américaine, toi en l'occurrence, mais ne te fais pas d'illusions. Donc il essaie de casser la relation entre sa nièce et Rodolfo, malgré sa femme qui prêche le bon sens. Et puis, finalement, la fin sera terrible. Je crois qu'il ne faut pas dire la fin. Mais j'ai pris un plaisir à vous entendre résumer la pièce d'Arthur Miller, Vue du pont, parce que, en vous écoutant, on voit tout de suite pourquoi cet auteur qui était moderne dans les années 50 est devenu aujourd'hui un classique. C'est uniquement parce que les thèmes se sont installés dans la durée. Les thèmes de crise, les thèmes de frontières aussi, d'identité à sa manière, non ? Ah oui, tous les thèmes sont finalement pérennes, hein, c'est-à-dire la question des genres, qu'est-ce qu'une femme, est-ce qu'elle doit être soumise, etc. Toutes ces femmes sont finalement assez droites et au fond, elles ont du bon sens et elles mènent la maison. La vulnérabilité des hommes sur le plan sexuel qui entraîne systématiquement une chute, donc il y a tout un côté juif et puritain à l'arrière-plan de Miller, hein. Et puis, donc les thèmes de la société mercantile qui broie ses proies, et le thème de l'immigration toujours d'actualité, le thème de l'honneur, peut-on résister à brader son nom, avoir de l'honneur ou pas? Ça, c'est une question cruciale. Mais au-delà de l'honneur, Liliane Kerjean, et c'est ce qui me fait aimer Arthur Miller, c'est bien sûr le thème de la trahison et de la justice qui sont au centre de son œuvre. Ce sont des thèmes éternels, hein, parce que j'allais dire, ils sont toujours d'actualité. Ils sont toujours d'actualité. Les sorcières de Salem, c'est une pièce tribunale, puisque à l'acte 3, on se trouve dans le tribunal. Donc, au fond, on va faire défiler des témoins à charge et on va voir aussi quelle est la violence de l'appareil d'État, en l'occurrence l'appareil religieux, pour faire avouer, pour faire plier les dissidents. Est-ce que vous voyez une évolution aussi bien dans l'écriture que dans la manière de voir la société au fil des années, c'est-à-dire depuis les années 50 jusqu'au début des années 2000, jusqu'à la mort d'Arthur Miller en 2005? Est-ce qu'il a évolué aussi bien dans le fond que dans la forme? Alors, ces dernières pièces sont plus intimistes. Par exemple, elles prennent le thème de la mémoire, donc avec des distributions très resserrées. Ce qui est frappant dans les premières pièces, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Ce sont des distributions importantes. Vue du pont, il y a aussi beaucoup de monde sur la scène. Dans ces dernières pièces, c'est des pièces beaucoup plus courtes, beaucoup plus intimistes, de vieillards qui se souviennent ou qui ne se souviennent pas. Donc c'est en résonance avec une pièce du début qui s'appelle « Je me souviens de lundi ». Donc finalement, la mémoire collective, qu'est-ce qu'on a appris de la guerre, qu'est-ce qu'on a appris des incidents à Vichy, qu'est-ce qu'on a appris des sorcières de Salem, rien du tout, puisque finalement le macartisme, c'est de nouveau les persécutions contre des dissidents. Donc Miller se positionne toujours pour essayer de faire évoluer une société et la faire voir des choses qu'elle ne perçoit pas au départ. Ses pièces ont une portée permanente et il veut une valeur civilisatrice, il croit en ça. C'est très fort quand il dit, par exemple, « Tant qu'il y a du théâtre, il y a une société ». C'est une allusion évidemment aux fêtes des Grecs, mais aussi tant que les hommes peuvent montrer leur dilemme sur une scène, eh bien, il y aura un miroir, il y aura une réflexion, il y aura un public qui se positionnera. Et donc, on sera libre jusqu'à un certain point. Quelle place tient aujourd'hui aux États-Unis au théâtre, mais aussi dans la vie culturelle et intellectuelle américaine, Arthur Miller? Majeur. Il suffit de mettre son nom à l'affiche à Broadway et les salles se remplissent. C'est vraiment un classique. Lorsqu'il a été monté en France, par exemple, Marcel Bluval dit « Au fond, c'est comme du Molière ». Et il fait allusion aux misanthropes, parce qu'il y a la règle des trois unités, d'une certaine manière. Au fond, il y a un seul objectif, qui est la crise, le moment de bascule. Il y a une scène que je veux et c'est celle-là, c'est le moment de la bascule. Ces personnages sont universels aussi. On a le père de famille, mais on a le fermier, le patron, l'employé, le docteur, le docker, l'immigré. On a aussi la servante ambitieuse qui essaie de voir ses chances auprès du maître, l'épouse trahie. Donc finalement, il écrit de manière compulsive parce qu'il dit aussi écrire est l'occasion de sortir purifié de ses imperfections. Puisqu'on parle de de l'intime maintenant avec Arthur Miller. Qu'a-t-il fait de son background de juif américain, de sa culture juive? Est-ce qu'il a fait avec? Est-ce qu'il a pris des distances? Est-ce qu'il lui a donné une autre signification? Est-ce qu'il était en rupture ou pas? Alors, il n'était pas en rupture, c'était pas une famille très religieuse, mais pour autant, on se fréquentait entre milieux juifs et avec la famille qu'il avait à Brooklyn quand il est très jeune. Il va à la synagogue. Lorsqu'il s'est marié avec Marilyn, elle s'est convertie. Et il a fait un mariage civil d'une part et un mariage à la synagogue. Mais Marilyn était prête à tout parce que enfin elle trouvait une famille. Marilyn est quelqu'un de très isolé, très vulnérable, avec des antécédents très lourds, si bien que enfin elle a trouvé une famille. Elle était ravie. Elle s'entendait extrêmement bien avec Isidore Mella. Et lorsque Kennedy l'a invitée pour le fameux anniversaire où elle a chanté « Happy birthday to you, Mr. President », eh bien, elle était accompagnée d'Isidore Mella, qu'elle avait invitée pour l'accompagner. Et pourtant, Dieu est absent dans l'œuvre d'Arthur Miller. Ah oui, Dieu est absent parce qu'il pense que le jugement, le bon sens des hommes doit prévaloir. C'est-à-dire une analyse rationnelle de la société et des choix que l'on doit faire vis-à-vis des autres. Quel pourrait être le dramaturge successeur ou fils naturel d'Arthur Miller actuellement, selon vous, Liliane Kerjean? Alors, sur un mode plus léger, je dirais Israël Horvitz, qui est juif aussi, et qui prend des pièces sur la trahison. Les thèmes sont assez proches. Et donc, c'est intéressant que Horowitz ne se réclame pas nécessairement de Miller, parce qu'il a un humour beaucoup plus prononcé, mais il y a aussi des pièces extrêmement dures chez Horowitz, les rats, par exemple, sur l'éducation, si bien qu'il y a une tradition... alors, je ne dirais pas du tout Woody Allen, qui n'est pas très bon au théâtre. D'ailleurs, ses pièces ne marchent pas très bien quand il en fait. Mais là, on ne pratique pas vraiment l'humour juif dans son théâtre, mais Horowitz, si. Si l'on devait donner un conseil à ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ou pas bien l'œuvre écrite d'Arthur Miller, quelle œuvre doit-on commencer pour le découvrir? Mais les grandes pièces, c'est forcément La mort d'un commis voyageur, parce que c'est notre vie de tous les jours, c'est Pôle emploi, c'est tout ça qu'il y a derrière. Et puis, Vue du pont est une excellente pièce aussi, parce que elle est sur le thème très actuel de l'arrivée des migrants. Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on les cache? Est-ce qu'on les intègre? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on les aide? Voilà, c'était pour marquer le centenaire de la naissance d'Arthur Miller, le 10e anniversaire de sa disparition. Désormais, l'intégralité de la série Arthur Miller, un Américain sur le qui-vive, est à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup, Liliane Kerjean. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes universitaire, donc professeur des universités à Rennes 2. Vous êtes spécialiste de littérature et de théâtre américain et présidente de l'Institut franco-américain de Rennes. Vous avez beaucoup écrit sur les grands auteurs américains du XXe siècle. Je rappelle votre livre « Ce que je sais » d'Arthur Miller. C'est aux éditions François Bourin. Je rappelle aussi l'édition du livre « Un commis voyageur à Pékin » d'Arthur Miller aux éditions du Sous-Sol. Merci beaucoup, Liliane Kerjean. Ça a été un plaisir de vous avoir cette semaine. Merci beaucoup. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, on va parler d'Olympia. Olympia est le deuxième album du trio constitué par le duo Rupert et Mulot, associé à Bastien Vivès. Après la grande Odalisque, qu'on retrouve les trois jeunes dessinateurs à la mode et leurs trois sexy cambrioleuses qui ne reculent devant rien pour subtiliser des œuvres d'art. Cette fois, il s'agit de voler l'Olympia de Manet exposé au Petit Palais. Et pour cela, les trois héroïnes doivent régler leurs petits problèmes de tous les jours, accorder leurs humeurs, ce qui est des fois un peu plus dur que de voler un objet de grande valeur. Bonjour, Rupert Mulot-Vives. Bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, c'est devenu une série. On peut parler d'une série. Une série d'ailleurs avec trois voleuses qui risquent bientôt d'être quatre, voire cinq. En fait, on avait fait le premier tome et on s'était pas forcément dit qu'on allait faire une suite. Mais vu que ça s'était vraiment bien passé, et en fait, en fin de compte, on avait nos trois personnages qu'on aimait beaucoup et qu'on avait mis passé déjà 150 pages à les construire. On s'est dit que ça serait quand même con de pas les retrouver et de pouvoir juste repartir avec tout ce qu'on avait construit depuis le début et aller un peu plus loin, quoi. Ça, c'était Bastien Vives. Alors, s'il fallait parler des trois personnages, de vos trois cambrioleuses. Ben, en fait, on est trois. Florent, Jérôme, moi. Et puis, on a mis, au début, c'était deux petites cambrioleuses chevronnées qui font appel à une troisième pour faire un gros casse. Et c'était assez drôle, c'est tombé. Ce petit schéma nous correspond bien. Mais pas seulement. En fait, je crois. Donc là, c'est Florent Rupert qui parle. Mmh. C'est toujours un petit peu difficile de décrire comment on fabrique un personnage parce que là, on est trois, effectivement. Il y a ce parallèle et c'est vrai qu'on a clairement utilisé nous-mêmes. Mais c'est plus compliqué. Si je pouvais faire une sorte d'image, je dirais que c'est un peu comme construire une sculpture en terre. Tu vas prendre tu as besoin de plusieurs terres, on va dire, tu as besoin d'une terre un peu molle pour faire des choses précises, tu as besoin d'une terre un peu plus robuste pour que le personnage tienne debout. Et grosso modo, je sais que nous, on va utiliser effectivement nous-mêmes, on va utiliser nos amis. Ça, il y a des bouts d'amis, je sais qu'ils sont dans les personnages. Il y a des choses qui nous sont arrivées, qu'il y a aussi des choses qu'on pense qu'il faut que nos personnages vivent. Et je crois que c'est un mélange de quand même beaucoup de choses. Et puis après, voilà, je crois que cette sculpture, tu la mets au four et tu regardes si ça va craquer ou pas. Il y a un petit peu, il faut essayer, quoi. Il faut lancer un peu nos personnages dans l'histoire pour voir ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'une charte? Est-ce que c'est une série de trois voleuses qui vont opérer que dans les musées, par exemple? Parce que c'est ça l'idée géniale d'Olympia et de la Grande Odalisque. On a la série B qui fait son entrée fracassante dans le monde calfeutré des musées. Et donc, on a tout à la fois l'aventure rocambolesque des trois filles avec les rebondissements, c'est très lié au genre, mais on a aussi les musées, l'architecture des musées, les œuvres exposées que vous reproduisez, c'est-à-dire il y a les deux en même temps. Soit vous achetez un guide touristique de Paris pour vous balader un peu, soit vous achetez la Grande Odalisque et Olympia où on voit comment vivent trois petites parisiennes qui volent des tableaux. Et on se balade dans celui-là, on va dans le musée de l'Invalide et puis on va au petit palais, au grand palais, mais elles sont les petits cafés, elles vont passer par les puces aux clients courts. On a plein d'endroits comme ça. Et c'était et Paris, je pense que c'est la quatrième personne, c'est le quatrième personnage du livre. Nous, clairement, les peintures que les voleuses volent, c'est des peintures qu'on aime même beaucoup. Je crois qu'il y a une mini... volonté aussi de faire un lien entre trois tableaux qui sont volés dans Olympia. Ce sont des tableaux où à chaque fois il y a un peintre qui donc on commence par Giorgione qui fait une Vénus. Ensuite c'est le Titien qui va reprendre la position de cette femme nue et encore une fois après Manet va la reprendre dans la peinture d'Olympia. Donc qui est une peinture qui va faire scandale à l'époque et voilà. Donc Manet, nous on est vraiment très fans. On avait déjà utilisé le Déjeuner sur l'herbe dans la Grande Odalisque, c'est le premier tableau qui était volé. Et Manet, en fait le personnage de Olympia et le personnage dans le Déjeuner sur l'herbe, c'est la même fille. Hein. C'est une fille, c'était une amie à lui qui était une jeune femme de 18 ans qui était hyper libre, hyper bohème, et je pense qu'elle avait vachement impressionné Manet. Nous, on dit, il y a cette tradition dans la peinture de reprendre un motif et de le réinterpréter. Nous, on fait de la bande dessinée, on utilise des personnages, on va rentrer dans des portraits d'amis à nous. Voilà, de manière un peu timide et sans vraiment le dire, on veut faire quand même une sorte de lien. Je pense que la peinture n'a pas forcément de filiation dans l'art contemporain. Mais par contre, dans la bande dessinée, je trouve qu'il y a plein de parallèles qui se font et je pense qu'ils sont hyper intéressants entre plein d'auteurs de bande dessinée et plein de peintres. Vos personnages ne font pas les réflexions que vous faites là, par exemple, ce matin à la radio autour de ces toiles. C'est ce que je trouve réjouissant. À un moment donné, dans Olympia, nos trois petites nanas sont devant les tableaux et Alex demande si, mais en fait, leur main qui est posée sur leur sexe, est-ce qu'elle se masturbe ou comment c'était posé à l'époque? On se permet des petites digressions très légères. Mais vous êtes d'accord, Bastien Vivès, que c'est pas le genre de réflexion que fait un historien, je pense qu'ils passent leur temps à ne parler que de cul en permanence, mais pas avec les mots qu'on utilise. En disant le mot chat ou le mot bite et tout, mais il ne parle que de ça parce que de toute façon la peinture ce n'était que ça à un moment donné, et vu qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien, c'était juste on vendait Daniel Arras parlait sexe. Même de pin-up je crois dans un de ses livres, oui. C'était les premières pin-up de l'histoire de l'art. Et comment vous choisissez les musées, parce qu'ils sont très bien dessinés, vous changez de plan de vue à chaque fois, vous éclatez le truc pour introduire le lecteur dans les lieux où se déroule l'action, mais les lieux ont une grande importance. Qu'est-ce qui fait que ce musée pour vous vous inspire plus qu'un autre lieu ou qu'un autre musée même? D'abord on se déplace, on fait des repères. On va voir si ce musée pourrait convenir. Et puis une fois qu'on y est, on fantasme un peu, on imagine des choses, on projette beaucoup de... Effectivement, l'inondation, on voit qu'on descend dans le petit palais, on descend dans les sous-sols, on se dit, ah, il y a la Seine pas très loin, il pourrait y avoir il y a le grand palais qu'en face. Donc oui, les musées sont habités par ce fantasme de choses qu'on aurait envie de... Est-ce que ça va être récurrent? Parce que là, c'est clair que c'est une série qui se met en place, même si une des trois cambrioleuses est à la fin de cette aventure enceinte et qu'il y a un personnage masculin. Et quel personnage? Un tueur mutique qui fait son entrée dans votre univers de bien particulier. On voit bien que c'est vous installez une série là, non? On se laisse le... Disons que pour le premier tome, on n'avait pas envisagé de faire une suite. Là, on ferme pas l'histoire, ce qui fait que si on a des idées pour continuer, on a le champ d'exploiter la suite. Mais si on veut s'arrêter là, on peut s'arrêter. Enfin, il y a une ouverture et une conclusion aussi. Je pense que si on devait en faire un troisième, il y aurait des choses à raconter. Je pense que les gens, ceux qui ont aimé La Grande Odalisque et qui aimeront Olympia, c'est pas forcément pour le film à la Ocean's Eleven de savoir comment est-ce qu'elles vont faire le casse ou pas. C'est vraiment parce que c'est les personnages avant tout qu'ils ont aimé et je pense qu'ils sont toujours ravis de les retrouver. Et nous, moi je sais que j'aime beaucoup les dessiner et je serais toujours content de dessiner parce qu'elles ont un caractère que je retrouve pas forcément ailleurs dans la bande dessinée ou le cinéma actuel. C'est une belle bande de copines, quoi. Alors comment vous les dessinez à trois? Moi je m'occupe juste de faire la partie dessin, mais par exemple il faut les habiller, il faut trouver des idées, des attitudes, des lieux, et c'est ça aussi qui va marquer énormément les personnages. Moi je m'occupe juste de faire le trait. Mais après, savoir que par exemple Alex a ses lunettes de soleil en permanence, c'est des choses qui sont rentrées dans la mise en scène tout le temps. Le fait que Alex soit bourré le matin, et qu'elle prenne des drogues, elle soit éclatée au réveil et tout, ça aussi c'est des choses qui vont nourrir le personnage et qui vont le faire. Moi, je me fais juste l'exécution, mais tout le personnage. Après avoir écrit l'histoire, comment on fait un livre comme Olympia, c'est on se réunit tous les trois, on fait des séances de travail dans des conditions. En fait, on va en vacances, en fait. On se met à côté de la rivière et là, on raconte qu'est-ce qui va arriver à nos personnages. C'est pour le scénario. Pour le scénario, pour l'écriture de chaque scène. Ah oui? Et pour le traitement graphique de chaque scène? Alors, pour le traitement graphique, comme dit Bastien, lui, il s'occupe de dessiner les trois personnages principaux. Nous, avec Jérôme, on fait les décors et on se partage un peu les personnages secondaires. On travaille par couche, c'est-à-dire que, en fait, on a un serveur, on va prendre une page, on va dessiner sur une page, on va l'enregistrer, et sur les ordinateurs des deux autres, ils vont avoir leur version qui va être mise à jour sur leur ordi. Ouais, mais par exemple, genre, pour les personnages, moi, à force de les dessiner, vu que j'étais tout le temps concentré que sur elles, et j'étais pas en train parfois de me perdre dans les décors ou dans autre chose, ou même dans la mise en scène, Florent a fait une énorme partie de toute la mise en scène, poser les dialogues et choses comme ça. D'ailleurs, il y a de moins en moins de dialogues, ce qui veut dire que vous êtes de plus en plus à l'aise dans le dessin. Oui, ça y est, on arrive à faire passer des choses, peut-être avec le dessin qu'on faisait pas forcément passer avant, et nos personnages, vu qu'on n'est plus obligé vraiment de les installer comme on l'avait fait avant, on peut juste les faire parler tranquillement. Et moi, je sais que quand je dessinais mes petites nanas, vu que j'étais tout le temps sur elles, ça permet vraiment de vraiment faire des attitudes qui leur sont propres tout le temps. Alex passe son temps, elle est tout le temps avachie, elle est tout le temps allongée, elle est toujours avec les jambes sur un canapé ou sur un truc. Sam, elle est vachement plus, elle a toujours les coudes un peu serrés, elle est plus dans son intimité. Et Carole, là pour le coup, vu qu'elle est enceinte, c'était des attitudes c'est femme enceinte, que tu sois un peu exubérante ou pas quand t'es enceinte, à un moment donné, t'es un peu cambrée. Je sais pas si vous parlez très bien de votre travail, mais c'est vraiment très jouissif de dire Olympia. Non mais vraiment, parce que ça fourmille de pas mal d'idées, de trouvailles. Je voudrais juste vous poser une dernière question pour la scène dans la discothèque. C'est qui a fait les couleurs? Parce qu'elles sont formidables, ces planches. C'est Isabelle Merlet. Et c'est bien de le préciser. Qui a travaillé donc avec le trio Vives, Rupert, Mulot pour Olympia, chez Air Libre, édité par Dupuis. Et pour avoir l'humeur de nos invités ce matin, les questions récurrentes. Allez, première question. Alors, elle est très belle. J'ai tiré à qui pensez-vous le plus en ce moment? Pasteur Vives. Je pense le plus en ce moment à Sofia Coppola, parce qu'elle avait 32 ans quand elle a fait Lost in Translation. Et moi, j'ai 31 ans pour l'instant. Deuxième question. Tu veux piocher? Florent? Rupert. Moi, le plus tenace, c'est mes parents étaient invités à manger chez des amis un dimanche, et donc nous, on jouait avec les enfants de ses amis. Et on était allé pisser sur la voiture du maire, parce que mes parents, ils parlaient vachement du maire en le critiquant. On était revenus à table hyper fiers en ayant raconté la scène. Et mon père, qui avait un peu bu, à cause qu'il buvait vachement dans ces genres de repas, il m'avait chopé après dans la rue, et il m'avait mis une énorme gifle. Inoubliable, ça s'appelle. Pour m'expliquer que je devais pas faire... je voulais pas suivre les gens dans les groupes. Et je trouve que c'était tellement injuste qu'encore aujourd'hui, je lui en veux un peu. Allez, dernière question. Quel temps fait-il dans votre tête, Mulot? Quel temps fait-il dans votre tête? Tout va bien. Clair et ensoleillé. Non, un temps sec et frais, mais les belles journées d'hiver, vous savez, quand il fait frais, on est bien dans son manteau et le ciel est bleu. C'était Bastien Vives, Florent Rupert et Jérôme Mulot pour nous parler de leur dernière bande dessinée éditée chez Dupuis dans la collection Air Libre. Olympia, générique. C'était un autre jour et possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine, de 6h à 6h30, et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Pascaline Bonnet et Vincent Lecomte. Prise de son Claude Niort, réalisation Thomas Duterre. Ouf, c'est fini. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Passez une bonne matinée, un excellent week-end. J'espère vous retrouver lundi.